Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour, et oui, vous ne rêvez pas, le Comic Stories numéro 200. Après tout, ils le font dans les comics, pourquoi pas nous? Donc, 200e émission que nous enregistrons ce soir. On va faire quelque chose d'un petit peu particulier puisque on a eu le plaisir d'être nommé pour les Leapster Awards qui ne sont pas du tout des awards, vous verrez dans l'émission. Donc on va répondre à cette nomination dans le podcast qui nous permettra de parler pour une fois de la chose la plus importante finalement, nous. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 200e Comic Stories. Donc je disais, pour une fois, on va parler d'un truc intéressant, nous-mêmes, et on va le faire avec qui? Arnaud. Salut. Clément. Salut. Et Léo. Hello. Et puis peut-être Irish, s'il retrouve le chemin de son ordinateur, puis le chemin d'Internet, enfin, voilà, tout ça, quoi. Donc le Leapster Award, c'est quoi? C'est pas du tout des awards, c'est en fait une grande chaîne du love entre blogueurs. Ah, c'est beau. C'est beau, hein. Donc c'est-à-dire que, tout simplement... Un blogueur ou une personne responsable d'un site internet donne 11 questions qu'il pose à 3 sites ou autres blogs qu'il a envie de faire découvrir aux autres parce qu'il les apprécie. Et puis bah, là où les personnes de ces sites ou blogs doivent répondre aux questions posées comme une interview finalement. Et en plus de ça, sortir des anecdotes à propos d'eux-mêmes. 11 également. Oh putain. Donc je vous propose qu'on réponde à une question et qu'après on enchaîne par une petite anecdote sur un peu... les coulisses de l'émission, donc réfléchissez à des choses. J'ai quelques trucs en tête, évidemment, mais en 200 émissions, on a quand même vécu des choses un peu spéciales, donc ça sera l'occasion de déballer tout ça. De laver notre linge sale. La première question, bah, s'adresse plutôt à moi pour le coup. J'ai oublié de dire, c'est Fanny de comicspournoob.com qui nous a nommé, et on la remercie de nous avoir trouvé ce sujet d'émission. Pourquoi avoir créé un blog? Bah, du coup, la question s'adresse plutôt à moi pour le coup. J'ai envie de dire pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas d'abord? Si les autres le font. Alors oui, c'est vrai qu'au début, c'était juste un petit blog pour faire quelques articles, 2-3 reviews, 2-3 trucs comme ça. Et puis un an après, on commence les podcasts. Et puis on va en salon. Et puis on fait des interviews. Et puis machin. Et puis tout ça. Et ça commence à prendre de plus en plus de temps. Et ça devient une grosse machine pour un blog. Mais pourquoi? Bah juste parce que quand t'es au fin fond de la Bourgogne, va parler de comics. C'est ça. Voilà, je pense que c'est pareil pour d'autres en Normandie au hasard. Moi, pour la petite histoire, au début, j'avais dit de faire comme toi un blog en solo, c'est essentiellement axé sur... de la review de Comics Déo, j'avais commencé, m'amusais, et puis en fait est venu un jour un petit homme qui est maintenant une putain qui m'a proposé de participer à son blog. Ouais. À son blog, totalement. Premier, là. De quoi? Ouais, j'ai été le premier. Donc, c'est à souligner. Déjà à l'époque, j'étais un peu malade. C'est ça, c'était un peu malade. Tu m'avais proposé de faire quelques articles, donc des reviews. Je crois et tu en as fait beaucoup. Non, j'en ai pas. Bah non, t'en as fait une. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que j'en ai fait une. Et puis après, je sais plus comment on fait les podcasts, mais je crois que j'en avais parlé. Les podcasts, c'est toi qui a insinué cette idée dans ma tête. Ouais, c'est ça. Une idée perverse, et puis j'ai fini par craquer. La mémoire, c'est moi qui t'en ai... J'étais pas sûr. Oui, c'est toi. Tu en avais parlé. Sans déconner. Ouais, c'est lui. Ça lui arrive d'avoir des bonnes idées. J'y pensais aussi. C'est vrai que c'était quelque chose qui, rapidement, je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Mais franchement, j'avais pas du tout d'ambition de faire ça. Ni je connaissais pas trop au niveau technique et comment on aurait pu faire et tout ça. Donc voilà, j'avais dit peut-être un jour, mais voilà, c'était pas. Puis Clément me propose ça, l'idée germe. Et puis bon, au mois de septembre, allez. Je me dis, on va aller chercher d'autres personnes et puis voir ce qu'on peut faire. Et puis parmi ces autres personnes, bah, il y a Arnaud qui est là ce soir. Qui nous a rejoint, lui, pas vraiment pour parler de comics au début. Non, moi j'en lisais pas énormément à l'époque. Non, c'est plutôt pour parler des séries et du cinéma. Ouais, c'est ça. Et puis, ben, passion est arrivée pour les comics, même si c'est toujours en retrait par rapport aux séries et au cinéma. Mais c'est toujours plus présent qu'avant. Après, on n'a pas le temps de tout faire, malheureusement. Oui, c'est ça. Et puis arrivent les séries télé, les séries s'enchaînent, on fait beaucoup sur nos écrans, de plus en plus d'ailleurs, au point même de détacher, parce qu'au début tout était dans la même mission, et puis on se dit c'est pas possible, il y a trop de séries. Ça durait 2h30 par podcast. C'était l'angoisse totale ces émissions, donc on a changé pas mal de fois de formule avant de trouver cette formule maintenant qui est stable, le mag avec les news, etc. Le sur nos écrans consacré aux séries et au cinéma, nos débriefs, nos bilans, etc. Et puis le Comic Stories présente pour toujours ce côté, pour les débutants, quoi, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui voudraient qui découvrir certaines choses. Au tout début, je crois que c'était. Qui avant était une rubrique à la fin de l'émission. Ouais. C'était le coin des Padawan, je crois. C'est ça, le coin pas des Padawan. Pareil. Non, pas du tout. Sous forme de questions-réponses. En fait, c'est ça, donc là, du coup, c'est une rubrique pas du tout naturelle. Ouais, vous réécouterez les premières. Quelqu'un faisait. Oh, tiens, je ne connais rien, je vais poser des questions. Voilà, donc du coup, cette émission, cette rubrique a eu une belle promo, parce qu'elle est devenue une émission très irrégulière, certes, parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire non plus hyper souvent. Mais en tout cas, voilà, le format est bien mieux maintenant. Je me demande s'il n'y a pas des coins des Padawan ou Comic Story se présente qu'on devait faire et qu'on n'a jamais fait. Il y en a plein. Ouais. Il y en a qu'on a faites mais qui ne sont jamais sorties aussi. Il y en a deux là. J'en ai deux en stock que j'ai toujours pas montées, j'ai encore pas faites, mais elles arrivent. D'ailleurs, je pense qu'elles seront diffusées avant la 200. Donc c'est une espèce de rétro-continuité, elles sont diffusées normalement. J'ai la finale d'Infinite Wars aussi à mettre en replay, qui est juste en replay sur YouTube, je crois, pour le moment. Ouais. La vie. Et puis du coup, je parlais de série télé pour introduire celui qui n'était qu'un auditeur en colère, qui va avoir écouté massacrer la série Gotham et qui se dit non, je veux pas, je suis pas d'accord. Je vais venir la défendre face à ces mécréants. Et du coup, Léo est arrivé à la base pour défendre Gotham sur une émission comme ça, sur un one shot. Bah ouais, en plus, c'était un copain qui m'a dit tiens, il y a des gens là sur Comic Stories qui défoncent Gotham. Non, en substance, c'est vraiment ça en plus. Hein. Il m'a dit ils disent que Gotham c'est vraiment de la merde, que ça c'est vraiment bidon, tout ça. Et je suis allé écouter, je me suis dit c'est pas possible, on voit pas la même série. Et du coup, comme toi, Mathieu, tu avais envoyé une des invitations aux auditeurs pour venir faire le débat, je me dis ok, on y va. Et puis le mieux, c'est que ça m'a permis de me préparer, c'est que j'ai rencontré Arnaud avant le podcast, et donc ensuite j'ai pu être bien plus préparé à la déferlante que fut mon premier podcast. Vous n'êtes jamais préparé à ça. Qui était un sacré podcast quand même, parce que c'est sûrement celui où tu as dû faire un pic d'audience, parce que forcément. Et puis même dans l'histoire, enfin voilà, c'est un de ceux que je retiens quand j'aime rappeler de grands, voilà, de moments importants et de choses qui moi m'ont marqué à vivre. C'était quand même ce fight, quoi. C'était quand même c'est un grand moment de ma vie. J'ai jamais été aussi énervé que ça. Ah purée, ouais. Pas sûr d'avoir été depuis. Hein. Donc voilà. Je crois pas. Bonjour à tous, ici Mathieu, votre hôte habituel pour les émissions de Comic Stories. J'ai décidé de perturber un petit peu le cours de cette 200e émission de temps en temps par quelques petites apparitions. Et pour la première, le moment était très bien choisi parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous se disent « Oh, mais j'aimerais bien écouter ce que ça donnait, ce petit passage d'Arnaud très énervé. » Alors ça dure 8 minutes 30 à peu près. Je vous propose un petit montage de cette séquence. Si vous voulez découvrir l'intégralité de l'émission, c'est le Comic Stories sur nos écrans, numéro 15. Mais en attendant, cette petite minute 30 devrait vous donner une bonne indication de ce qu'on a vécu ce soir-là. C'est seulement, il n'y avait qu'elle, parce que toute la saison, c'est un long fan service qui ne sert à rien. Red Hood, ils étaient juste inadmissible de faire ça au personnage. Ouais, la chaussette rouge, c'est inadmissible. Le Joker, mais quelle honte! On sait pas si c'est lui encore. Jérôme, c'est une honte absolue de d'écrire un tel épisode, de proposer ça, mais c'est juste inadmissible. C'est le pire, je crois que c'est le pire épisode que j'ai dû voir de la saison. Je suis d'accord avec toi. C'est une insulte suprême, même à la télévision, j'ai envie de dire. Mais n'importe quoi, mais alors là, je trouve que c'est un peu trop virulent. Allez, vas-y, Elodie. C'est pas le pire épisode qu'il y avait, au contraire, je trouve que c'était l'un des meilleurs. J'ai envie de dire, juste pour résumer cet épisode, j'ai juste envie de résumer cet épisode par une phrase. Le serpent qui retrouve les cadavres. Comment tu expliques une telle atrocité? Non, mais pourquoi un chien ça le ferait, pas un serpent? Le chien est entraîné, lui le serpent il est pas entraîné à faire ça. Ça s'appelle de l'instinct, Arnaud. Et puis c'était sa maîtresse. c'était quoi de mettre ce fan service ça, Jérôme. Alors, tous Jérôme, les rien que ça. Comment, je trouve même plus mes mots tellement je suis énervé. Tous les clins d'œil, on va dire, au Joker, entre le mec qui passe une audition dans le club, Jérôme, Red Hood et plein d'autres. Coucou, on a les droits de Gotham, on a les droits de Batman, c'est Gotham, ça se passe à Gotham. Batman va arriver. Alors regardez notre série si vous aimez les films de Nolan et si vous êtes fan de comics, et on va bien vous entuber. Voilà, je vous l'avais dit, une séquence qui ne manque pas de piquant. Elle ne pouvait pas ne pas avoir sa place dans cette émission. On va reprendre le cours habituel de ce Comic Stories 200, mais soyez assurés que je vais sans doute revenir vous apporter une nouvelle petite archive dans quelques minutes. Donc du coup, on peut révéler via cette petite chose, la première anecdote qu'on peut raconter, c'est que du coup, il y avait eu un round zéro. Ce que personne ne sait parmi nos auditeurs, c'est qu'avant déjà, vous aviez discuté un peu sur la série et du coup, tu savais un peu à quoi t'attendre, quoi. Oui, voilà, parce que déjà, il commençait à partir en vrille, tout ça. Bon, la fin de la soirée approchait, donc il s'est réservé. Mais alors, c'était le jeudi suivant ou je sais plus quand, et on a enregistré le truc et là. C'est parti. C'est parti. Ouais. En plus, j'imagine que tu avais dû faire un binge watching parce qu'il devait te manquer des épisodes pour le podcast. Et donc, ça a dû augmenter ta jauge de colère. Binge watching et en même temps, live tweeting aussi, des conneries. Ouais, ouais. Et du coup, en restant dans l'anecdote, c'est-à-dire que c'est un binge watching en se disant, il faut que j'ai. Enfin, voilà, l'objectif, c'est clairement, il faut que j'ai tout vu pour le défoncer. C'était ça, exactement. Parce que c'est de la merde. Et donc, je dois l'avoir vu. Comme cette émission est marquante, on va rester voilà, dans cette première anecdote sur 11, sur le avant l'émission, ce que même Léo ne sait pas du coup. Ouais. Avant d'arriver et tout, avant qu'on mette Léo en ligne et tout ça. J'ai dit au gars, on y va tout doux, hein, c'est bon, on n'est pas là pour l'insulter ou machin, il faut qu'on l'écoute, il faut machin, tout ça, parce que je les sentais bouillants, quoi, les deux, non, trois même, vous étiez trois. Je me suis dit, oh putain, ça va être un pugilat, ce truc-là. Au final, ça en était un, mais c'est quand même, il n'y a pas eu d'insulte, c'est resté dans le respect, donc, et puis ça donne. Oui, je me suis énervé, mais c'était contre la série. Ah oui, sinon je ne serais plus là. Sans doute, oui. Bah, du coup, ta prestation à la défense a quand même été particulièrement bonne, puisqu'on t'a demandé de revenir. Oui, c'est toi qui est venu me voir après via Skype pour me dire allez, est-ce que tu es prêt à remettre ça, à revoir Arnaud et sur un terrain plus neutre, une série qu'on aime tous, voilà. Et c'est vrai que c'était devenu une légende parce que moi j'avais pas été là au podcast, on n'arrêtait pas de me dire, parler de Léo, que ça avait été un truc apparemment légendaire. Mais mec, t'avais pas écouté tout de suite, ouais. Ah oui, ouais. Non, c'était quelque chose cette émission. Mais cela dit, c'est grâce à toi qu'après je me suis remis à Agents of S.H.I.E.L.D. et que j'ai repris et que j'ai aimé et que du coup, après on s'est tous retrouvés à dire du bien d'Agents of S.H.I.E.L.D. donc ça allait mieux pour le second podcast. Donc ce qui veut dire que du coup on t'a un peu ouvert les yeux sur Gotham, mais en plus on t'a fait prendre à Agents of S.H.I.E.L.D. T'as bien fait de venir. C'est beau, quoi, hein. Pour ceux qui veulent réécouter cette émission d'anthologie, c'est le Sur nos écrans numéro 22 qui date du... Ah non, c'était 28 septembre 2015, donc c'est même pas ça, c'est encore avant. Oh là là, c'est plus vieux que ça encore. C'est Sur nos écrans numéro 15, bilan de la saison 1 de Gotham, voilà, du 15 mai 2015. Ça, c'est vieux. C'est vieux. Allez, deuxième question, on va enchaîner un petit peu. Comment as-tu choisi le nom de ton site? Bah là, il n'y a que moi qui peux répondre. Comic Stories, pourquoi? Comic Stories d'abord avec le S majuscule, c'est important parce que c'est un S qui est commun à Comics et à Stories. Comics, bah, c'est transparent. Et puis Stories, en grande partie à cause de mon pseudo Twitter qui est Storyvore. Pour ceux qui ne comprennent pas, le dévoreur d'histoire. Et voilà, ce qui m'intéresse moi dans les comics, c'est dans ce que je lis et dans tout ce que je regarde, etc., c'est l'histoire. Est-ce que oui ou non on propose une bonne histoire cohérente et machin et tout ça. Donc du coup, bah, la contraction entre comics et stories est venue tout seul et voilà, c'est devenu comics stories.fr parce que bah on n'est pas en Allemagne. Hein. Voilà. Une autre petite anecdote avant d'en passer à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter aux gens? Carnot aime secrètement Gotham mais qu'il a fait le podcast. La PCE et le fait que qu'à chaque PCE on se dit allez cette fois Clément va venir. J'ai encore eu la preuve que tout à l'heure que c'est pas encore et que certain. Finalement, a priori, en 2016, peut-être qu'il va montrer le bout de son nez. Peut-être, mais en non, espérant mais... que ce soit que le nez. Et... Mais ça sera une toute petit, un tout petit passage, en tout cas. Bah, enfin, j'aimerais bien pouvoir venir, mais quand t'as cours le samedi matin, c'est un peu chaud, quoi. Clément, c'est un peu l'arlésienne chez nous. On mais l'attend. Non, mais je vais essayer de... Ça, j'aimerais bien aussi essayer de venir, mais voir si je peux venir le samedi et le dimanche, quoi. C'est pas grave. C'est un peu compliqué. Disons qu'une PCE normale, c'est déjà épique, mais vous mettez Clément au milieu. Ah, mais je suis encore plus fou. Là, il y a une espèce de champignon atomique qui se forme. Ça, avec encore... Bruce Team en plus qui sera là. Bruce Team dans la même pièce. Enfin, voilà, enfin, ça va être. Ça va être difficile à gérer. Voilà. Allez, troisième question. Quel personnage comics aimez-vous le moins et pourquoi? On va faire dans l'ordre alphabétique comme notre routine, Arnaud. Iron Man, je pense. Ouais, pourquoi? Alors je connais le personnage qu'à travers le film ou les apparitions qu'il a pu faire dans les histoires d'autres comics. Parce que j'ai jamais lu de comics Iron Man en particulier parce que j'aime pas le personnage. Mais les rares fois où j'ai pu le voir ou la manière dont il est montré dans le film, c'est un connard arrogant, égocentrique, que je ne trouve pas drôle en plus. Donc tous ses défauts et le seul truc pourrait être vu comme une qualité, c'est son humour. Moi, j'y adhère pas. Donc, ça me plaît pas. Et enfin, la prestation de Robert Downey Jr. dans les films, fait ni chaud ni froid. Enfin, il fait le boulot quand il est pas déplaisant, il fait le boulot quand il est en interaction avec les gens. Mais les films Iron Man, c'est une catastrophe quand il est en solo. Je ne le supporte pas et c'est en partie pour la raison pour laquelle je redoute Civil War. Hein. Mm-hmm. Ça n'aura pas une grosse importance, enfin si, mais j'espère que ce sera quand même pas trop chiant pour moi. Mais non, c'est juste le caractère de Tony Stark, je le supporte pas. Okay. Peu importe dans le média que je le vois. Et toi, Clément, celui que tu aimes le moins, on sait, celui que tu aimes le plus, on en parlera plus tard, on a l'exode, forcément, mais celui que tu aimes le moins. Je dirais bien, Iron Man aussi, c'est un personnage, j'ai jamais trop eu envie de lire les comics, il m'intéresse pas plus que ça, et ouais, non, Et si tu devais pas te défiler et en choisir un autre? Un autre? Oh, c'est chaud. Un autre. Réfléchis, on pourra marquer le jour sur le calendrier et pendant ce temps, Léo va. Léo, toi? Ou dans les adaptations, parce que toi, tu lis pas trop de comics, donc. Non, mais cela dit, certes, il y a les adaptations qui jouent, mais j'ai jamais été un grand fan de Superman, à vrai dire. C'est peut-être celui qui me. Trop puissant, trop. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que passer la hype propagandiste un petit peu qu'il a fait au début, puis les adaptations qui m'ont pas spécialement plu, et le fait que il me dégage rien de particulier, il y a pas quelque chose qui se détache en plus qui font que voilà, j'aime bien Superman pour telle ou telle raison, je trouve pas si voilà, enfin c'est juste qu'il me botte moins que les autres clairement, enfin c'est peut-être après ça m'empêche pas, j'ai lu des comics Superman, des trucs qui sont pas mal, mais c'est le super-héros qui me hype le moins en tout cas. OK. Clément, t'as trouvé du coup? Ouais, je dirais bien Supergirl. Ah bah tiens. Non, mais en comics, hein. Ouais. Même en comics. Pourquoi? Bah, je sais pas, ça m'inspire. J'ai toujours l'impression de lire une copie de Superman, et non, je sais pas, j'ai un truc qui accroche pas avec le personnage en comics, c'est jamais un personnage pour lequel j'ai eu trop d'attrait. D'accord. Moi, ça va être Wolverine. Je l'ai jamais trouvé intéressant, ce mec-là. C'est juste un mec avec des griffes, quoi, et puis qui est violent, et puis qui passe son temps à désinguer. Enfin, j'ai jamais trouvé rien d'intéressant dans ce mec-là. En plus, le fait qu'on veuille me l'imposer pendant des années à le mettre partout, ça m'a encore plus rebuté à m'y intéresser. Dans les films, je ne l'aime pas. On voit que, en plus, on voit que lui. Enfin, voilà, moi, non. Donc, du coup, ouais, à la fois pour le personnage que, voilà, je trouve pas intéressant, qui mérite pas, à mon avis, l'exposition toute qu'il a eue. Et puis, ouais, c'est le fait qu'on veuille me l'imposer, je pense que ça n'a pas aidé. Donc, ouais, je dirais Wolverine. On a un caméo d'Irish qui débarque ce soir. Bonsoir Irish d'abord. Qui ne nous entend pas, c'est génial. Le caméo raté. Voilà, le caméo, donc bah, on y repassera, hein, comme Stan Lee, il est là à chaque fois, donc il n'y a pas de raison. On va peut-être enchaîner sur une nouvelle anecdote, et là je pense qu'elle est toute trouvée. l'anecdote, c'est que ce que les gens ne savent pas, ce qui se passe en off, avant et après les émissions, c'est qu'on a toujours un, soit qui est en retard, ou alors qu'il ne nous entend pas. Je n'ai pas souvenir, en 200 émissions, en 2 ans et demi maintenant, je n'ai pas souvenir qu'une fois, tout le monde ait eu la technique raccord, que ça soit bien marché, qu'on a démarré correctement, etc. Il y a toujours une merde. Et c'est jamais chez le même. C'est ça qui est bien. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est, ouais. Ça m'est arrivé à moi aussi, incapable de créer les pages sur Hangout, parce que depuis qu'on est sur Hangout, il y a des fois ça ne veut pas, je suis obligé de changer de navigateur et bah, ça marche. Quand on était sur Skype, on n'en parle même pas. Et même Léo, t'as connu par Skype. Ah, oui. Yannick, on t'entend. Ah, salut à tous, désolé. Donc du coup, voilà, Léo, toi t'as connu l'époque Skype et c'était quelque chose aussi, hein, les débuts d'enregistrement, des fois... Skype n'a plus de réseau, Skype machin, enfin... Ouais. Donc peut-être qu'entre la 200 et la 300, on peut espérer qu'au moins une fois, on arrive, arriver tous à avoir la technique qui marche, les micros qui marchent, tout ça. Ça serait cool une fois. Et ouais. Être à l'heure. Et je vous parie que celle-là, eh ben, il y aura un problème lors de la sauvegarde. Parce que ça nous est arrivé aussi des émissions qui sont parties dans les limbes. Rappelez-vous cette émission sur... The Walking Dead, deux fois. Et enfin, iZombie l'émission aussi, deux fois, quoi. Ah, iZombie, pareil, on en a une qui est passée à la trappe. Et puis, dans les débuts des Comic Stories Padawan Edition, avant de s'appeler Comic Stories Présente, il y en a une aussi. La fameuse émission qu'on n'a jamais réussi à faire. Je sais plus, du coup. C'est plus, mais on en parle à chaque fois. À chaque fois, on se dit, oh, faut qu'on la fasse, puis on l'a encore jamais faite. Je sais même plus quel thème c'est, non. Bon, tant pis. Je vous retrouve pour une deuxième séquence que j'avais prévu de couper au montage, mais elle vient tellement illustrer parfaitement cette accumulation chaque semaine de problèmes techniques que je ne pouvais que vous la partager. Irish avait eu ce soir-là énormément de soucis techniques. Il est venu nous rejoindre en cours d'émission, vous venez de l'entendre. Et du coup, il a eu quelques petits problèmes au niveau de la temporalité. J'allais passer à la quatrième question de ce challenge. Au moment où... Allez, on va passer à la... Oui. Donc, vous avez dit du bien, alors, de Bad Blood Ouais, parce que c'est pas cette émission qu'on fait. C'est après, Bad Blood. Ah, là, on fait quoi Là, on fait Comic Stories 200. Fais comme si t'étais au courant et tout. Tu vas voir. Bravo. Ouais. La quatrième question de ce challenge, on va dire, si vous aviez reçu la lettre pour Poudlard, tiens, ça nous change un peu des comics, dans quelle maison auriez-vous été envoyé? Je vais répondre en premier, tiens, pour une fois, Serpentard. Ah, pourquoi? Parce que tu voudrais déjà prévu. Je rappelle mon score au test Deadpool ou pas? D'accord. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait avant l'émission? Je vous ai enregistré sans vous annoncer que je démarrais l'enregistrement pour enregistrer toutes vos conneries et me faire des scènes post-génériques. Petite pute, voilà, donc les petites putes, ça va où? Ça va, Serpentard. Et toi, Arnaud? Je sais pas, un truc basique, je vais dire Gryffondor. Parce que je sais pas. Parce que la plupart, déjà, je connais pas les noms. Et oui, non, j'avoue, j'ai vu que les films, j'ai jamais lu les bouquins. Et... C'est mal. Je suis pas un énorme fan d'Harry Potter, j'aime bien, mais. Donc, du coup, Gryffondor par défaut. Voilà, c'est le seul dont j'arrive à me souvenir le nom, déjà, à part Serpentard. C'est les gentils, et Serpentard, c'est des connards, alors Gryffondor. Du coup, on va faire un chichi, on va tous sauter Clément, et on va passer à Irish. Mais non, mais c'est injuste. Irish, si tu devais choisir ta maison, le choix-po, où est-ce qu'il t'enverrait dans Harry Potter? Irish est parti. Je suis là. J'ai des micro-coupures, mais bon, c'est... Ouais, bah, moi, je pense que ça aurait été Gryffondor. Parce que je suis plutôt du genre gentil larron, à toujours voir du bien en ceux qui peuvent mieux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On révélera pas les coulisses de la vie, mais c'est vrai. C'est vrai. Non. Il y a des chanceuses. Et toi, Léo? Ah non, je pensais pas à ça, moi. Et toi, Léo? Je sais pas, probablement, peut-être pas Serpentard, mais je pense qu'on m'enverrait soit à Poufsouffle, soit à Serdaigle. Mais bon, ça veut pas dire que j'aimerais bien. Serdaigle, ça tirait bien, c'est un peu la maison des intellos. Dis donc. Non, mais Léo, c'est quand même celui qui va chercher. Faut quand même le. Ben, rappelez-vous sa première émission sur Gotham où il va quand même nous raccrocher ça à la mythologie grecque, à des choses. Voilà. Voilà, c'est quand même pas. C'est quand même loin d'être le plus con d'entre nous, quoi. Donc s'il y en a bien un qui doit aller à Serre d'Aigle, c'est peut-être Léo. Ah ben, je les prends bien, merci. Alors peut-être Serre d'Aigle, disons. Voilà, je me rattrape oui, je hein, parce que ça pouvait être un peu mal perçu. Mais... C'est ça. C'est bien joué. Et toi, Clément, alors, le fan de Harry Potter? Ah bah, moi, Gryffondor, forcément. Gryffondor. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a Hermione? Ça peut se constituer un argument. Non, bah, Gryffondor, parce que... Bah non, mais Gryffondor, moi, je me vois pas être à Serpentard, parce que je suis pas... Enfin, je vois pas mon côté gros enculé, mais je sais pas. Et puis, non, enfin, je pense que Gryffondor, ça me correspondrait bien. Ok, et ben voilà pour cette quatrième question. Est-ce qu'on a une petite anecdote de off? Est-ce que l'un ou l'une, j'allais dire, bravo. Je sais pas qui est l'une d'entre vous, mais est-ce que l'une d'entre vous voit un truc là, comme ça? Moi, il m'a tendance à vous envoyer des images dégueulasses. Oh mon dieu. On peut en parler. Dégueulasse. Sans entrer, voilà, on a depuis maintenant, comment dire, au moins 2 ou 3 mois, hein, un fil de conversation en DMP sur Facebook qui est ouvert. Et c'était une bonne idée au début parce que c'est vrai que ça nous permet de garder toujours le lien et de causer un peu toute la journée à tout moment, etc. C'est moins devenu une bonne idée quand Clément a commencé à nous envoyer des vidéos, des images. Qui en plus des images, tout... voire des gifs. Oui, des gifs, ouais, surtout, ouais, qui tournaient tous. Et c'est tout tourne à chaque fois autour de son centre d'intérêt premier. Non, mais elle était bien, celle avec Tobey Maguire. Oh non. Ah, celle avec Tobey Maguire. Non. Elle était tellement géniale que je pense mettre un lien dans l'article de ce podcast de ça. Non. Parce que le monde doit être au courant de ce que de ce que les membres nous envoient. Des auditeurs, en fait. Oh non, je pense qu'on va en gagner. voilà. Donc bonne idée, c'est d'avoir créé cette conversation effectivement, parce que ça permet de passer des moments sympas et tout. Mais voilà quoi. Il y a le revers de la médaille. Il y a le revers de la médaille. Et il s'appelle Clément. Comme d'habitude. Question suivante. Votre addiction du moment. Alors le sexe ne compte pas. Hein, Clément. C'est un mode de vie pour certains. Hein, et riche. Donc, votre addiction du moment qui peut être de la nourriture, un produit en particulier que vous consommez beaucoup, une routine, un espèce de rituel que vous avez, un jeu auquel vous jouez beaucoup, une série que vous regardez en binge-watching, etc. Peu importe, une addiction peut-être autre que les comics du coup, puisque le but c'est de parler un peu d'autre chose pour cette émission 200. Léo? En ce moment, je vois beaucoup et j'accélère à une vitesse qui me dépasse moi-même le visionnage des saisons de How I Met Your Mother. Concrètement, bah écoutez, chacun ses défauts. Hein. Mais ça fait beaucoup dans la même personne. Gotham, How I Met. Non, mais c'est bien, How I Met. Enfin, bon, je veux dire, enfin, j'avais fini la saison 3 il y a une semaine. Ah, t'en es qu'à la 3, d'accord. Il y a une semaine, il était à la 3, aujourd'hui, il en est à la 8. Non, à la 4. Non, ça va alors. Non, ça va, t'es encore dans les bonnes saisons. Bon, bah voilà, quand même, tout n'est pas acheté. Non, à moitié. Ouais. Enfin voilà, c'est ça que je vois. C'est ton addiction du moment, c'est How I Met Your Mother. Ok. Ouais. Arnaud? Je peux pas dire les colères parce que ça m'arrive souvent, ça. Mais je sais pas, non. Non, j'ai rien en particulier en ce moment. Nightwing, Batwoman. Non, parce que j'ai pas trop le temps de lire en ce moment, donc je lis pas grand chose. Bon, il le dit pas, mais il est en train de binge-watcher Supergirl. Alors là, pas du tout. Plutôt John Carter. Aujourd'hui, j'en ai vu 3. Bah voilà, si ça, c'est pas une addiction. Oui, parce que à nous faire des semaines avec 2 épisodes, j'ai pris beaucoup de retard. Ok. Donc par défaut à John Carter. Clément? Bah, j'en ai pas vraiment. On va prendre les comics. Les séries, je suis pas tout ça parce que j'en fais pas tant que ça. Sinon, quand j'ai pas le nez dans mes cours, en général, je joue à la PS4. Voilà. Et Irish, une petite addiction en ce moment? Non, pas celle-là. Non, vous êtes sûr? Non. Et Léo, non? Pas celle-là? Non, pas celle-là. Ah, mais c'est toi qui vois, Irish, ne me renvoie pas la balle, c'est ton problème. Campagne. Tu as l'occasion de le savoir. De le crier au monde entier, c'est ça? Ouais. T'es pas obligé. Non. Bon problème. Non, bah, je vais donner la deuxième addiction. Même si elle a un peu extompé, c'était quand même Agents of Shield, Marvel. C'est vrai que t'en as maté beaucoup à la suite là. J'en ai maté beaucoup. Ouais, je les ai re-revus. Donc voilà. Donc c'était plus voilà les Agents du Shield. Il y en avait une aussi qui est en train de s'estomper. C'était ma chambre. Voilà, donc je veux dire, à un moment j'avais une envie, c'était de rester couché toute la journée, dormir. Ah, c'est cool ça aussi, t'as raison. Ouais, mais voilà, ça s'estompe un peu. Donc voilà. Et pour ma part, je renoue avec de vieilles addictions que sont les mangas et les romans. Je fais un peu des infidélités aux comics en ce moment, et même la BD classique. Voilà, j'ai lu Tebori tome 1 chez Dargo ce week-end, qui est monstrueux, aussi, au moins aussi. La couverture est splendide, c'est ça qui m'a fait craquer, je l'ai acheté et je l'ai lu, enfin voilà, j'ai lu ça hyper rapidement, c'est génial. Les romans de l'univers étendu Star Wars, le roman Deadpool en ce moment, et puis quelques mangas, voilà, L'Attaque des Titans que j'avais jamais commencé, One Punch Man que j'ai bien aimé, qui vient de sortir, enfin, pas mal de trucs en stock. Voilà. Donc quelques infidélités aux comics, mais quand même, j'y reste, hein, voilà, les comics Star Wars, tout ça, il y a quand même pas mal de trucs que je lis, Secret Wars en VF. Voilà, et Convergence. Par contre, il y a un que peut-être quand j'aurai le temps, je m'y remettrai, c'est One Piece. Je me suis arrêté, ça fait tellement longtemps. Bon, ça fait, je vais peut-être avoir 100 épisodes de retard. Donc... Oh, ce qui représente 23 tomes. Ah ouais. Non, mais l'anime, il y a quand même des longueurs par rapport. Dessin animé. Ouais, dessin d'anime. D'accord. Oui, donc une saison, 100 épisodes. Ouais, on peut dire ça, oui. Ah, vous regardez aussi, je suppose. Non. En animé de manga, j'ai regardé Death Note. Moi, je disais. Ah oui, mais ça, je pense que tout le monde l'a vu. Ça fait pas longtemps, hein, je l'ai vu l'année dernière. Ah, et sur Netflix. J'ai adoré. Ah. Mais j'avais lu le manga. Donc, t'as adoré quand même jusqu'à l'épisode 24. Non, la fin m'a pas plu. Épisode m'a pas plu. Voilà, je voulais avec la mort d'un personnage, Je voulais que pour une fois, ça se finisse pas comme ça. Mais bon. Non, mais je vous parlais surtout après la mort d'un personnage principal où t'as deux gamins, ça devient n'importe quoi. Ah oui, non, mais moi je parle de la vraie fin, le dernier épisode. Ouais. Ah là là. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est L'Attaque des Titans. Ça, c'est pas mal. Bah, tu vois, j'ai le tome 1 qui m'attend. Ah, ouais, ça, c'est pas mal. Ça vaut le coup d'œil. Allez, on va faire une petite pause dans les anecdotes, sauf si vous en avez une tout de suite là. Que Léo a un concours à passer, donc il faut se manier le cul. Pardon ? Que Léo a un concours à passer, donc il faut se manier le cul. Ah, les concours de Léo, ouais. C'est ça ton addiction du moment, en fait. Ah, c'est ma passion. Voilà. C'est quoi les concours de Léo qui passe ses concours blancs, ses concours violets, rainbow, enfin tous les concours possibles, qui est obligé d'y aller en RER. C'est les concours de quoi, du coup? C'est pas indiscret. C'est tout. Sciences Po. Ah ouais, d'accord. Donc tu vois qu'il doit aller à Cerdaigle. Allez. Quelle est la prochaine question? Quel est ton comics préféré? Et je vais étendre peut-être à éventuellement manga ou série télé pour ceux qui lisent peu de comics et ça sera un peu dur du coup. Moi, je lis assez de comics pour savoir lequel est mon préféré. Eh ben vas-y alors. Civil War. Moi j'ai beaucoup aimé Civil War. Enfin, Civil War, une fois que j'entends parler d'une baston entre super-héros, je me dis, ah, quand même, ça, voilà. C'est quand je commençais à m'intéresser aux comics, et du coup, je l'ai trouvé, et je l'ai lu, et j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est bien, t'avais, en baston entre super-héros, t'avais ça ou Convergence, donc finalement, t'as bien choisi. Voilà. Irish comics, manga ou série télé préférée? Je vais dire Les Simpsons. Qui est à la fois un comics, et une série télé. Bravo. Non, pas peut-être un manga. Il doit y avoir une version qui traîne, je suis sûr. Série télé, voilà, c'est une série que je regarde depuis des années et ça se renouvelle pas dans la nouveauté, mais c'est sans cesse, c'est inventif, c'est toujours aussi drôle en titillant avec pas mal d'ironie de second degré. La société en général, pas que la société américaine. Et voilà, donc c'est toujours un gros kiff. Encore hier soir à l'apéro avec des potes, il y avait W9 en fond et, je me surprends à rigoler presque toutes les 5 minutes. Donc voilà, c'est les Simpsons. Au moins, t'es sûr de pas être déçu. Donc je vous confirme que les Simpsons en manga, il y a eu. Hein. Ah ouais? Une espèce de. Je suis tombé sur un article sur un croisement entre. Enfin, les Simpsons revisitent Akira. Voilà. Il y a eu 3 tomes apparemment de ça. Hein. Ça s'appelle Bart Kira. Voilà. Je vous avais dit que ça existait. Arnaud, comics préféré ou manga ou série télé par défaut? Manga, non. Non, moi en comics ce sera Trillium, Jeff Lemire. Ça a vraiment été une claque. qui est vraiment sublime autant dans l'écriture que dans les dessins, surtout les dessins magnifiques de Jeff Lemire également, et avec une fin dantesque et inoubliable qui te hante pendant des jours. Un truc magnifique. Ouais. Clément, comics préféré? Moi, un comics préféré, je tu pense... peux le dire maintenant, c'est bon, on peut en parler maintenant. Non, mais non, ça va pas être du Marvel. En plus, je suis sûr que t'en as même pas lu une fois un épisode de ça. Ah non, jamais, j'ai jamais lu. C'est ça le plus beau. Non, mon comics préféré, je pense, alors j'ai plus de héros en tête, mais c'est Batman et Robin. Donc, tout le numéro qui est sur le deuil de Bruce Wayne à la mort de Damien, où il n'y a aucune. Donc, Batman et Robin, 8. Ouais, ouais, ouais. Et enfin, toi, tu l'as lu aussi, et ça, ça a été, je crois, ça a été la plus grosse claque que j'ai. Bah, c'est un des rares comics qui m'a fait chialer, hein, on peut le dire. Oui, moi. Moi, il m'a donné envie de chialer aussi, et sinon, il y avait le Batman au tout début du run de Snyder, Batman numéro 5, et puis après, voilà, non, c'est essentiellement pas ça, puis après, il y a aussi Maddie Thunder, Saga, ouais, bien sûr. C'est ça. Pour ma part, y a quelques comics comme ça qui marquent une vie et qui la change même parfois. Essex County, enfin, m'a bouleversé. Évidemment, Trillium aussi, enfin, tout Jeff Lemire, je crois. Mais voilà, j'allais rire et j'en ai rien à foutre, mais enfin, la jeunesse de Picsou, quoi. Et je vais encore insister, meilleur comics du monde, de l'histoire, de tout ce que vous voulez, c'est la jeunesse de Picsou, Monsieur Don Rosa. Je suis toujours parmi, il y a un mois pile, j'étais en train de respirer le même air que lui à Angoulême. Enfin, c'était, je crois, un des moments les plus forcément marquant de ma vie, je pense, de l'avoir vu, ce mec-là. Enfin, c'est une légende. Et du coup, ouais, la jeunesse de Picsou, il y a tout. On rigole, on pleure. Il y a un épisode notamment où Picsou reçoit une lettre où il apprend la mort de sa mère, qui est déchirant. Mais voilà, c'est aussi quelque chose, forcément, voilà, qu'on a, pour ceux de mon âge, lu quand on était petit dans Picsou Magazine et tout, donc il y a forcément un rapport particulier. C'est vrai, c'est vieux. Bah ouais. La jeunesse de Picsou, voilà. Question suivante peut-être. Comment sélectionne-t-on le sujet ou le comics dont on va parler dans notre prochain article, ou plutôt prochain podcast du coup? Comment on sélectionne ça? À la mix, non? Comment? À la quoi? À la mix, à l'arrache. À l'arrache, d'accord. Parce que on a des expressions en Normandie qui sont pas les mêmes qu'en français. Il est totalement gaze, Clément. Donc, à l'arrache, parfois, faut quand même le reconnaître. Parfois, genre dans le mag, 5 minutes avant, on ne sait pas quel sera le comics de la semaine. C'est ça. Et là, on a Clément qui nous sort un truc de son chapeau. C'est ça. Robin Batman, par exemple. De quoi? Robin Thunder Batman. Juste il n'y a pas longtemps, là. Ah oui. Ça en fait partie, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais aussi, surtout, quand même, on peut le dire, par rapport aux grosses sorties, les gros événements qui arrivent. Voilà, un film va sortir. Un film va sortir. On va essayer de parler du personnage dans les comics pour que les gens aillent voir un peu autre chose que la version qu'on nous sert au cinéma et essayent de découvrir et d'aller plus loin et découvrir le personnage dans les comics. L'actualité aussi, voilà, quand une PCE va arriver, bah, on va vous faire une petite émission avant pour vous faire un petit récap, bah, des invités, des horaires, qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas. Voilà. En général, ouais, c'est très lié aux dates et à l'actualité. L'année dernière, on a eu 75 ans de personnages, bah, on a fait une émission spéciale, Robin, il y a deux ans, c'était Batman. Quand on a fait un podcast, spécialement, quand il y avait une grosse annonce de la phase 3 de Marvel. La phase 3 de Marvel, on avait fait un truc à l'arrache le soir même, pour au plus vite. Voilà. Ça peut arriver aussi. Allez, question suivante. Hormis les comics, quels sont nos autres péchés mignons geeks? Léo, Docteur Who? Docteur Who, assumé, fanboyisme, tout ce que tu veux. Docteur Who et David Tennant. Surtout David Tennant. Notamment dans. Ça a été le cas pour Jessica Jones, hein, bien sûr. Mais Docteur Who, oui, clairement. C'est celle qui domine. Et vous autres, allez, Clément, tiens, on va changer un peu l'ordre. Certaines séries télé. Je pense notamment à la série de Chuck qui est bien geek et que j'ai toujours adoré, même si à l'arrivée plusieurs années, c'est toujours une série que j'ai surkitée. Sinon, comme je dis, les vidéos, donc à la console avec la PS4 et aussi les jeux de cartes à collectionner. Quand j'ai le temps, j'y joue. Donc, cartes Pokémon ? Non. Mais j'aurais pu, hein. Bah oui. Un système de jeu qui a l'air intéressant. Moi, je connais Pokémon et Magic en carte, hein. Tu sais, Magic, j'ai dit, ouais, ça m'a gonflé. Non, je joue surtout à Yu-Gi-Oh! Quand j'ai le temps. Et puis d'un temps, je jouais à un jeu de cartes basé uniquement sur l'univers de DC et de Marvel. Ah oui, j'avais entendu. J'avais eu vente, cette sombre affaire. Ouais. Versus System, et malheureusement... Enfin, ils l'ont repris là aux États-Unis, mais c'est un autre format de jeu, et c'est que la licence Marvel. Et donc, sinon, ouais, les jeux de cartes... Tu pouvais mettre Iron Fist dans ton... vraiment quelqu'un. Non, bah, vraiment, en pur geek, jeux de cartes, séries télé. Après, j'ai d'autres hobbies, comme vous le savez, mais c'est pas que... On en parlera de tes hobbies juste après. Arnaud ? Bah oui, on l'a déjà dit, j'adore les séries, j'en regarde énormément. Et puis il y a surtout le Whedonverse, quand même un gros univers. Whedon, ah bah ça, oui. Donc avec toutes ces séries que j'ai vues, Buffy, Angel, Firefly, Dollhouse, Doctor Horrible et compagnie. Et puis aussi ce qu'il est écrit en comics, son run sur les X-Men, son run sur Buffy, son run sur Angel, le comics Frey aussi. Les Runaways, je l'ai mais je l'ai pas encore lu. Et puis bien sûr le prochain comics qu'il va écrire, Twisted, qui est une mini-série à l'époque victorienne. Donc ouais, l'univers de Joss Whedon. Donc sachez que voilà, cette année, on va avoir dans le comic de la semaine, on va bouffer du Twisted avec Arnaud. Mais on est prêt, on est prêt. Allez, pour pas répondre en dernier à chaque fois, c'est quoi la question? Ah oui. Bravo. La question. Nos autres péchés mignons geek. Monter des podcasts. blague à part, péché mignon geek, ouais, beaucoup de séries télé, ce qui des fois hérisse le poil de certains, notamment Arnaud, quand je dis que je regarde des séries en fond, sans même des fois regarder les images, mais juste le son. Je suis encore énervé. Voilà, donc ça j'ai fait plein de séries comme ça en binge. C'est pas mieux à commencer par la saison 2 sans avoir vu la saison 1. Oui, pour ça aussi, pour ça hérisse le poil. C'est quand il y a la flemme de... Bah, je l'ai pris d'où, c'est Agent of S.H.I.E.L.D. qui m'a fait faire ça. Ouais, bah super. Je me suis dit, bah, en fait, on peut recommencer une série à la saison 2 et bon, après, rattraper. Mm-hmm. Ouais. Donc, je disais beaucoup de séries, pas forcément des séries geek. Voilà, moi, j'ai un amour sans fin pour The Good Wife. Parce que là, il y a un deuil qui se prépare. Donc voilà, beaucoup de séries télé. Certaines à cause d'Arnaud, hein, qui a le don pour vous sortir des séries suédoises, turco-libanaises, d'Amérique du Sud, enfin des trucs improbables. Israël. Qui sont souvent plutôt sympas. Donc voilà. Donc beaucoup de séries. Et puis, bon, on l'a dit tout à l'heure, hein, évidemment, quelques mangas, romans, tout ça. Enfin, voilà quoi. Tous les ingrédients parfaits pour faire comme Irish disait, rester chez soi, finalement. T'assimiles les romans, toi, à la culture geek ? Ah, bah, quand c'est les romans de l'univers étendu Star Wars ou les choses comme oui, ça. Ah, oui, d'accord. Et après, romans. Bah, oui. D'accord, ok. Et toi, Irish, du coup, tes petits péchés mignons geek, le stalk. Alors, ouais, c'est pas possible. Vous avez pas honte. Bah non, fallait. Jamais. Facebook, des commentaires. Donc, bah, comment vous lui mettez la pression? Bah ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Non mais je dis ouais, c'est ça, c'est regarder YouTube, des vidéos YouTube. Regarde des chats sur YouTube. C'est geek hein, les cats, les lolcats et tout ça. C'est... Non, pas des chats. La drague et... Non, c'est pas ça. J'aime beaucoup l'émission d'Allociné. L'émission d'Assad. Bon, comment apprendre à draguer Non, merci Clément, mais. j'aime beaucoup l'émission d'Allociné Fanzone. Je regarde presque tous les jours à chaque fois qu'il y a un épisode. J'aime beaucoup la présentation. Ça parle quoi des gens qui sont dans la Fanzone hein? Non, c'est un truc geek en fait. Fanzone. Il y avait Ryan Reynolds l'autre jour. C'était une blague, merci. Ouais. Ah, je vais y aller. Et ben voilà. Les blagues ont une place importante. En fait, c'est que tu mets un avertisseur, d'accord? Ok. Ouais, donc, j'aime beaucoup. Aïe. Bon, bah, si on peut me laisser parler, du coup. Vas-y, vas-y, vas-y. Pêchez-toi, vas-y. Merci. Donc, j'aime beaucoup l'émission d'Allociné Fanzone. Je regarde pas mal, des fois, des mash-ups, des réactions des gens à, par exemple, des bandes-annonces, que ce soit Civil War ou Dernier Batman ou ce genre de choses. Où, on montre la vidéo à des gens et au lieu de filmer la vidéo, au lieu de montrer nous la vidéo, on montre les gens qui regardent la vidéo. Qui regardent la vidéo, c'est voilà. C'est totalement con, mais moi, ça me fait rire. Voilà. Moi, j'aime bien regarder ça. Mais surtout que moi, j'en ai vu deux, trois. Jamais je réagis comme ça quand je vois une vidéo. Non, mais ils le font exprès, parce qu'ils savent qu'ils sont filmés, ça, alors ils exagèrent. Hein. Est-ce que c'est vraiment la première fois qu'ils le regardent ou est-ce qu'ils ont déjà vu, ils préparent leur réaction, ils sont là comme ça. Oui, c'est de la totale mise en scène des voix. Ça fait marrer, ok. Et t'as autre chose? Et peut-être un troisième truc, je dirais, c'est regarder les critiques, les vlogs, les critiques ciné. Je vais citer deux personnes. Je vais citer un Américain. Ah, je crois qu'on est sur des amis français, mais un Américain. Un Américain, ouais, qui s'appelle Jeremy Jans. Ouais, je pense que vous devez le connaître tous. Non, mais d'accord. Non. Non. Non. Bah, c'est un blogueur plutôt sympa qui est plutôt okay, un peu geek. Voilà. Donc généralement, 99 fois sur 100, s'il aime un film, je vais l'aimer également. Donc voilà, c'est pas mal. Et un autre, je pense que là vous devez le connaître, Durandal. Non. Je connais sa réputation. Pire critique de l'histoire du cinéma. Je connais sa réputation. Hein. Le mec a pleuré devant Lucie, quoi. Ouais, ça par contre, il a fait fort. Non, mais non. Mais... Bah, c'est une belle chanson quand même. Hein. Non, là, avec Scarlett Johansson. Je parle de celle d'Alliage. Hein. Encore un passage que je pensais couper au montage, mais finalement, puisque je sors des dossiers sur tout le monde, pourquoi enlever quand ça me concerne? Alors oui, je me rappelle bien de cette chanson d'Alliage. Je ne sais même pas comment, ne me le demandez pas. Mais je pense que vous allez aussi vous en rappeler pendant quelques heures après avoir entendu ça. Désolé. Mais lui, là, par c'est contre, trop vieux pour nous, c'est par trop contre, vieux. Je veux dire que Lucie, c'est du 50-50. Hein. Par exemple, moi j'ai The Revenant, lui il a détesté, il a dit qu'il a pas aimé, c'était bof. C'est normal, il a aucun goût. Il a pas de goût, voilà. Donc voilà. Okay. Donc tes petites passions geek. Bah d'accord, d'accord. Il y a des gens dans l'équipe qui ont des passions inavouées. Irish, c'est l'instant fist de l'émission. Parce que c'est quand même, voilà, ça fait quand même 200 émissions qu'on fait. Il y a quand même à peu près une émission sur deux. Et encore, je suis très gentil, c'est sûrement 80% des émissions dans lesquelles sont présentes Clément où le mot fist apparaît. Non, il faudrait dire que. Et c'est parti pour. Toutes les conversations se terminent par fist. Ou des fois Dans notre fameuse conversation Facebook là, qui nous emmène depuis 3 mois maintenant, oui, effectivement, il ne se passe pas 2 jours sans que, voilà, sans que le mot n'arrive pas. Pas toujours de Clément maintenant, parce que forcément c'est devenu un jour pour nous. Mais est-ce que tu te rappelles de comment ça a commencé, cette histoire-là? Plus. Ah, moi je m'en souviens. Vas-y Arnaud, raconte parce que je m'en souviens aussi. Bah, c'est le premier à nous avoir parlé de la fistinière. Ah, oui. Et à nous avoir envoyé la vidéo du reportage. Ah oui, c'est vrai, vous connaissiez pas? Oui, non, mais en fait, je sais plus exactement, mais peut-être qu'on connaissait le. Non, mais c'est ça, parce que moi, mais c'est la vidéo qu'on non, connaissait mais du pas. Coup, comme on m'a fait découvrir la vidéo, cette vidéo m'a vraiment marqué. Ouais, t'as pas eu trop mal. Maintenant, à mon tour, de faire découvrir cette vidéo par vengeance. Voilà, et comme Clément n'a aucun filtre entre son cerveau et ce qu'il nous transmet, on a des choses comme ça qui arrivent. Voilà. Et c'est aussi et surtout une de nos toutes premières scènes post-génériques. Il me semble qu'une de nos, je suis pas sûr en disant ça, mais il me semble qu'une de nos premières scènes post-génériques tournait autour de ça. comment ne pas revenir vers vous à ce moment-là de l'émission. Alors oui, effectivement, c'était bien nos toutes premières scènes post-génériques qui datent de l'émission Comic Stories numéro 5. Donc c'est très vieux, ça fait plus de 2 ans. Et c'était à la fin de cette émission, lors du coin des Padawan dont on vous a parlé tout à l'heure, que nous abordions la question comment faire pour débuter les comics Marvel. Voici donc en replay pour vous la première scène post-générique de Comic Stories qui date du Comic Stories numéro 5. Rapidement, Marvel, les personnages principaux, ben, il n'y a pas de poney chez Marvel, je suis désolé. C'est Spider-Man, Captain America, Thor, Iron Man, enfin voilà, tous ceux qu'on voit au cinéma, hein, dont on a parlé il y a quelques minutes. Et puis bah, d'autres un peu plus dans l'ombre, on dira, Doctor Strange, Black Panther, qui vont, on en a parlé la semaine dernière, faire leur Iron apparition. Fist. Iron Fist, ah bah ça, hein. Tu changes pas, toi. Ça m'aurait étonné. Hein. Ah mais c'est le soir, quand je suis fatigué, je dis encore plus de conneries. Une émission donc sponsorisée par la Fistinière ce soir. donc oui, Marvel Comics, Daredevil également. Ah, moi je me souviens d'une scène générique où tu m'as dit, où je t'avais écouté dans ton intro. Oui, je t'avais dit ta gueule. Ouais, magnifique, ta gueule. C'était beaucoup plus tard, ça. Ouais. C'était une belle scène, c'est vrai. Qu'a failli arriver ce soir, lors de mon lancement, merci. voilà, donc la petite anecdote, le fixe, voilà, c'est quelque chose qui... Récurrent, avec des points... C'est récurrent, c'est ça. Ça en dit beaucoup sur notre santé mentale. On voulait s'imaginer les conversations qu'on a. Mais on peut avoir des conversations très sérieuses. Qui se finissent par le fist, malheureusement. Je propose qu'un jour, s'il y a des gens qui ont envie d'avoir une conversation avec nous, comme ça, on se trouve un petit endroit où on puisse faire ça une soirée. Qu'on quoi se faire fister. Non. Après, tu vois ça avec le monde. Non, je pense que je veux dire un moment de partage de nos conversations. Ah d'accord. Oui, mais non. Parce qu'il y a des personnes parmi celles qui nous suivent et qui nous commentent parfois, je pense notamment à Jonathan, qui aurait tout à fait leur place dans nos conversations. Jonathan, en même temps, tu tapes dans le haut niveau, là. Ah bah oui, bah, je sors tout de suite, voilà, le haut du panier, je veux dire. Jonathan qui comme il gagne à tous les concours a déjà gagné un concours chez Comic Stories. Ah oui. Non, forcément. Il me semble que le premier concours qu'on a fait, il a gagné. C'est Jonathan en même temps. Je sais pas parce que moi aussi j'ai déjà gagné avant le podcast, j'avais déjà gagné. C'est vrai, t'as beaucoup participé. C'est pas aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de participants. Toi c'était un concours Fairy Quest. Ouais. Quelle mémoire. Et Jonathan, je ne le connaissais pas à l'époque, et il avait participé à un concours pour gagner le Amazing Spider-Man 700 en version papier. Et du coup, je lui avais envoyé par la poste tout ça, et je lui avais mis un petit post-it avec si tu le lis pas, tu peux le donner à bouffer à une chèvre, de toute façon, ça vaut pas mieux. Du coup, il a beaucoup rigolé, et puis je crois que c'est comme ça qu'il a commencé à m'envoyer 2-3 tweets et tout. Petite anecdote. Allez, imagine que tu es un super-héros super-vilain, slash ce que tu veux. Lequel et avec qui ferais-tu un team-up ? Ah, oh, il y en a trop, là. Question pas simple. Donc, il faut choisir qui on serait et avec qui on s'associe. Et je propose que ce soit Irish qui commence. Un team-up super-héros super-vilain ? Donc, toi, qui tu serais d'abord et avec qui tu aimerais être associé ? Ah, bonne question. Ouais. Je pense que je serais Homer Simpson. Ok. Et tu voudrais être associé avec qui pour tes aventures? Avec Phil Coulson. Je voudrais être associé avec Spider-Man. Un sacré mélange. Ouais. Ouais. Homer et... Un adulte immature et... Et un autre et adulte un immature. et après, voilà, Homer est connaisseur de la Spider Family en même temps. Ah oui, bah voilà. Et en plus, s'il ramène Spider Cochon, ça fait 3. Léo, ton team-up de rêve, qui serais-tu et avec qui? Le docteur. Mais me vole pas, mais... Voyons. Je pensais à... un team-up côté vilain, notamment Double Face et le Joker, parce que j'adore Double Face, donc je prendrais bien ça, mais je pense que ça a déjà été vu dans les... au moins dans les dessins animés, c'est tout. Donc, enfin, moi, je prendrais le Docteur, c'est sûr, et je ferai un team-up avec le Docteur Strange probablement parce que j'aime beaucoup le Docteur Strange dans les comics et l'association me paraît pas complètement dénuée de sens sur les arts occultes, les arts mystiques et un mec qui voyage parmi le temps et l'espace et qui en a vu tout, des vertes et des pas mûres. Donc, ouais, Docteur et Docteur Strange. Ou alors pour reprendre Double Face et jouer toujours dans les schizophrènes, Double Face et Firestorm par exemple. Ouais. Arnaud, j'ai une petite idée sur un des deux protagonistes, mais tu vas peut-être nous surprendre. Ce serait pas Batwoman, ton idée? Ah non. J'aimerais bien être, si j'étais un super-héros, ce serait Nightwing. Voilà. Vous avez deviné? Bah évidemment. Et bah il est génial Nightwing. Son costume. T'as vu son... le bleu, pas le rouge est moins bien. Ah le bleu est trop cool. Le bleu est génial. Trop cool le bleu. Et puis en team-up, ouais j'aimerais bien être avec Batwoman. D'ailleurs ils se sont déjà vus dans un épisode, mais ouais. Batwoman ce serait cool. Ouais. Attends, Nightwing, c'est le Robin, l'ancien Robin, c'est ça? Ouais, c'est le premier Robin qui est ensuite devenu Nightwing. D'accord. Et toi, Clément? Moi, Mogo et la Batco. Mogo et la Batco. Eh ben, c'est une belle association. Ce serait magnifique. La Batco. Non, ben, tu serais Mogo, j'imagine. Oh, bah oui. Comme ça, la Batco, elle te broute. Oh non! Oui, parce qu'il faut préciser, Mogo, c'est une planète. Voilà. C'est une planète vivante. Ah, putain, planète verte, en plus. Ah, ben bah, oui. Hein, bah. Tu t'étais choqué, Clément. Mais okay. Non, mais tu t'y attendais pas. Mais c'est ça. Non, bah, moi, c'est paru évident. Quand t'as dit ça, je dis bah oui. Bah, voilà. Mais non, mais c'est parce que Mogo, c'est la planète. T'es brouté. Tu fais asperger de l'air. Oh, putain. Les produits laitiers. Je pense que c'est le slogan qui va avec Rocco. Donc une émission, c'est à la mode, hein, qui sera R-rated. et pour ma part, avec qui je voudrais être associé? Grayson, de la série Grayson. Parce que tant qu'à faire, quitte à être associé avec quelqu'un, autant que ce soit le plus beau cul des comics. puis qu'en plus, le personnage est hyper intéressant. Voilà. C'est Nightwing, en fait, pour les... Voilà, Nightwing. Après Nightwing. Et je... Forcément, Wally West. Mais le vrai Wally West écrit par Geoff Johns. Enfin, voilà, le grand Wally West. Donc, le cousin chiant, pas le frère chiant d'Alice. Un team-up Wally West, Grayson. Ça jette. Parce que la Batco est prise. Voilà. Tiens, puisqu'on parle de Batco, petite anecdote. Oula. Qui concerne les Infinite Wars. Moment gênant. Non, pas moment gênant. Les Infinite Wars 2016. Ouais, on va parler et profiter de cette émission pour annoncer que les Infinite Wars seront bien de retour en 2016 cet été. 8 rounds plus une finale plus un round 0 pour bien poser les règles. Il y a des Infinite Wars qui sont très différentes de l'année 2015, vous le verrez très vite, qui seront beaucoup dus au hasard, à la stratégie. La fille de puterie va être vraiment essentielle. Bon, tu vas gagner quoi. Je pense que ça va être vraiment voilà, la fourberie et le hasard vont être vraiment, je pense, et les alliances vont beaucoup vont avoir beaucoup d'impact, je pense. Ça va être un problème ça, quoi. Vous verrez. Une anecdote qui explique bien un petit peu l'esprit de cette équipe et d'une personne. C'est un peu ta fête ce soir, Clément, je suis désolé. Oh, j'ai peur. Chacun est en train de constituer ses équipes. Oui. Petit à petit, chacun est en train de constituer ses équipes. D'ailleurs, Irish, tu as jusqu'à demain soir minuit pour m'adresser ton équipe. Petit message personnel. Ah, oui, sachez que Clément m'a donné la responsabilité de constituer son équipe. Voilà. Et puisqu'on est joueur, je vais vous quand même, on peut en dire un ou deux, Clément. Ah bah oui, quand même. Je vais en dire un ou deux. C'est une équipe très particulière. Il m'a imposé trois personnages. Il m'a imposé de mettre trois personnages dans son équipe. Après le reste, c'est moi qui choisis ce qu'il veut. Je te laisse en dire un des trois pour pas dire les trois quand même. Celui que tu préfères. Le dragon de saga. Le dragon. Oh merde, je comptais le mettre. Je sais même pas qui c'est. Le Blowjob Dragon. C'est ça. Non. Si, voilà. Si. Un dragon qui... Ce Blowjob Dragon, non, fait une auto-fellation sur une planche de saga, sera... dans l'équipe. Et il va au bout. Il faut préciser sur la page. Ah bah il va au bout. Il va au bout. C'est bon, c'est bon. Il sera dans l'équipe de Clément en position numéro 1 pour les personnages. Et du coup, il m'a laissé la possibilité d'ajouter des tas de personnages. Et du coup, je vais en révéler un que tu connais, Clément. Je vais pas te faire gâcher la surprise. Ouais. Je lui ai mis parmi les personnages féminins Squirrel Girl. C'est mignon, tiens. Donc voilà, sachez que l'équipe de Clément sera composée du Blowjob Dragon et de Squirrel Girl, ainsi que de 12 autres personnages, donc on va pas révéler maintenant, hein, Il apparaît où ce Blowjob Dragon? Dans Saga numéro 30, non, avant le 30, je dirais 28. Dans le top de Saga. Ah, dans le Saga 28, je pense. D'accord. Mais je suis pas sûr. Hein. Si c'est vraiment ça, on va croire que je suis un gros porc et que je sais pile poil où il est, à quelle page et tout. Mais il me semble que c'est autour du 27-28. Ok. Putain, c'est magnifique cette planche. Ah bah c'est incroyable. C'est incroyable. Tu t'y attends tellement pas. C'est une des gros. Bah tu te prends ça à la double page. Envie, hein. Et là c'est vraiment tu ouvres la double page. C'est magnifique quoi. C'est du Saga dans toute sa splendeur. Si avec ça vous avez pas envie de lire Saga. Allez, la dernière question de cette émission spéciale 200. Une question sur le rêve. Quel auteur, dessinateur de comics aimeriez-vous rencontrer? Si vous, ou comics ou dessin animé ou manga éventuellement, ou un acteur, si vraiment vous n'avez pas de dessinateur ou auteur. Voilà, la personne comme ça, que, voilà, ça serait votre rêve de rencontrer en convention. Ça peut être un rêve déjà exaucé. Hein. Arnaud? Moi, avant, je t'aurais dit Jeff Lemire, mais je l'ai déjà rencontré. Sinon, je sais pas, Alex Ross ou Stan Lee même. Ça peut être cool. Stan Lee, c'est quelque chose, effectivement. Ah. Sauf qu'il je pense qu'il fera jamais de convention en Europe, mais... C'est ça, il faudra traverser l'océan ou alors aller à Londres pour le voir, mais... Parce qu'il fait des trucs à Londres, quand même, ah bon, en France. Oui, mais en France... Mais ce serait énorme de le voir, le peu de temps qui lui reste. Donc, ouais, il va faire un infarct dans l'avion, alors c'est pas la peine d'essayer. Stan c'est fucking Legend Lee, pour Arnaud. Ah. Pour Irish... Un personnage ou une personne réelle? Oui, oui, bah, un artiste, dessinateur, scénariste, acteur, peu importe, bah, que tu voudrais rencontrer en convention. Attends, est-ce que c'est personnage ou dessinateur? Non, personne réelle. Ah, personne réelle. Parce qu'en convention, en général... non, parce qu'au début, j'ai cru que tu avais dit personnage. Moi, pareil, ce serait Stan Lee. Ok. Léo? David Tennant? Oui, bon, certes, mais je quand même, j'ai autre chose que Doctor Who. Moi aussi, je rencontrerai bien Stan Lee, vraiment, mais tant qu'à faire, et puisque Jack Kirby est mort, je dirais aussi Steve Ditko, quand même, parce que il a quand même co-créé Spider-Man, et c'est cool. Donc, mais bon, lui aussi, il est vieux, hein, donc c'est un peu, ce sera un peu compromis, mais bon, ouais, dépêcher, Stan Lee, ouais, bien clair. Sûr. Mais sinon, Steve Ditko. Et Clément? Moi, en scénariste, ça serait Jeff Lemire. Qui a créé Iron Fist? Et en dessinateur, j'hésiterais entre Alex Ross, soit Capullo, ou deux autres encore, Sorrentino ou Nguyen. C'est incroyable. On les a tous rencontrés. C'est incroyable, ouais. Je vais, en répondant à cette question, du coup, ça va être l'anecdote dont voilà, j'ai envie de parler. C'est vrai que c'est la chance qu'on a d'animer un blog, de faire des podcasts, etc. Et du coup, de pouvoir rencontrer des gens assez incroyables en convention et en interview. Qui est-ce qu'on a vu? Sorrentino, on l'a vu. Nguyen. Peter Tomasi, c'est un excellent souvenir. Le son est pourri, vous l'entendrez jamais, malheureusement, mais c'est un souvenir incroyable que cette discussion avec lui, 40 minutes. Qu'est-ce qu'on a? Dustin Nguyen sur Angoulême, c'était quand même quelque chose, avec un petit passage de Jeff Lemire qu'on n'avait pas réussi à avoir en interview, mais qui est passé, qui a quand même dit 2-3 mots, qu'on a pu saluer et tout ça. Donc voilà, moi aussi j'avais Scotty Young au Salon du Livre aussi, que j'avais pas interviewé, mais j'avais fait le fanboy, j'avais fait la queue et tout pour avoir un dessin de lui, et voilà, c'est la pièce maîtresse de chez moi, quoi, le dessin de Scotty Young, voilà, ce baby Dark Vador qui tranche la gorge avec un sabre laser de baby Spider-Man, voilà, c'est beau, quoi. Et du coup, c'est un des grands moments. Et du coup, si maintenant je devais dire, voilà, parce que Jeff Lemire, évidemment, c'est quelqu'un que, voilà, Jeff Lemire et Don Rosa, c'était deux monstres pour moi dans ma vie en tant que lecteur de comics, mais je les ai rencontrés. Donc maintenant, là, la boucle, j'espère que la boucle va être bouclée au mois d'avril, et Bruce Timm. Ah bah oui, Bruce Timm. Ce serait bien. Voilà, comme ça, j'aurais rencontré les trois hommes artistiquement qui ont changé ma vie dans la même année. Ça serait beau. Voilà pour cette dernière question. Est-ce que vous avez une petite chose, une petite dernière chose à ajouter en bilan de ces 200 émissions passées ensemble? 199 pour moi, parce que j'en ai manqué 198, même parce que j'en ai manqué 2. 190 je crois, ou 180 quel pour Arnaud, et Clément est pas très loin derrière non plus, donc on commence à avoir peut-être une centaine en moins, mais je suis pas très loin des 200. Mais depuis le début de la saison 3 en tout cas t'es là toutes les semaines, donc je pense qu'il doit avoir 3 week-ends où j'étais pas là. Donc voilà, tu commences aussi à avoir comme Léo pour les sur nos écrans, qui est là presque tout le temps, y compris quand il s'agit de parler de Lucifer, quand il s'agit de parler de Gotham, de Walking Dead. Bonjour. Voilà. Léo, Heroes Reborn aussi. Heroes Reborn. Enfin voilà, Léo, il mérite quand même. Tu viens à chaque fois pour les catas, mais c'est brave, c'est magnifique quand même. Léo, ouais. Il recule devant rien et il va tout regarder. C'est le défenseur des causes perdues. C'est ça. Bah, Léo, il est dévoué à ce podcast. Voilà. C'est incroyable. Il regarde la vie à la truc, voilà. Mais on a quand même décidé, hein, vous l'avez entendu dans le podcast sur Lucifer, on a décidé que Lucifer passait à la trappe et qu'on en reparlerait a priori plus. Voilà, sauf on a des pour choix le final, du quand même, mais c'est tout. Sauf ouais. Pour son annulation. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui regardent, mais il y en a un aussi qui risque de suivre la même voie, c'est Legend of Tomorrow. Hein. Enfin, bah, on en parle toujours parce que c'est presque plaisant de faire du mal. Ouais. Il y a un épisode de retard d'ailleurs. Donc... Mais ouais, j'ai l'impression aussi qu'il tente le bâton pour se faire battre quand même. Hein, ah bah ça... Il nous aide un petit peu. Ça, le BDSM, je pense que là-bas, c'est... C'est une religion, voilà. Ça, c'est une catastrophe, ce truc. Ouais. Bon, allez, on va conclure cette Comic Stories 200. Rassurez-vous, la semaine prochaine, on ne sera pas Comic Stories 201. Hein, on reprendra la numérotation normale du mag, deux sur nos écrans. Voilà, tout va redémarrer normal. C'était juste, voilà, il fallait qu'on marque le coup de ce 200e enregistrement. Voilà. On a eu l'occasion avec ce fameux questionnaire et ce fameux challenge, j'ai envie de dire, de Lipster Awards, qui nous a été adressé par Fanny de Comics pour Noob. Je répète, comicspournoob.com, qui est un site super intéressant. Voilà, Fanny qui écrit super bien. Et du coup, ça vaut le coup quand on est débutant les comics d'aller jeter un œil aussi sur son site. Et puisque le challenge est de nommer maintenant trois autres sites, blogs, nous allons le faire. Évidemment, on va piocher dans les gens qu'on aime bien. C'est le but aussi de vous faire c'est le but de vous faire découvrir des gens qu'on aime bien. On le mettra dans l'article, on va pas les forcer à écouter toutes les missions pour savoir qu'ils sont nommés, on le mettra dans l'article, on les mentionnera évidemment sur Twitter et Facebook. Mais je propose, je soumets au vote, que l'on nomme sur nos écrans, donc Elodie, Arnaud en grande partie, donc Arnaud tu l'auras fait deux fois, sauf qu'on posera d'autres questions, on se concertera, les questions sont libres, c'est nous qui posons les 11 questions qu'on veut au site, qu'on nomme. Donc on axera plus série télé, cinéma pour ces sites-là j'imagine. Donc sur nos écrans, je propose également Small Things, ce qui fera plaisir à Léo. Oui. Léo qui est revenu du fin fond de chez lui pour crier oui. Et puis le troisième que je vous soumets, c'est les plumes asthmatiques. Oui, tout à fait aussi. De Stéphane. Série éditeur sur Twitter, voilà, qui mérite vraiment le coup d'œil comme site. Voilà, c'est pas pour rien s'il y a le mot plume dans le titre du site, à mon avis. C'est tout ce que j'aurais à dire comme compliment. C'est un homme oiseau. Oh. Putain. Merde. Jusqu'au bout. Les trois sites, putain. Les trois sites qu'on nomme avec les 11 questions qu'on mettra dans l'article du podcast sur le site, ouais, en espérant que ces trois-là jouent le jeu et relaient cette initiative que je trouve plutôt sympa. Voilà. C'est vrai qu'on est quand même des sites qui s'adressent tous à des publics plus ou moins différents, même blog ou quoi, et même si on s'adresse au même public, après tout, c'est pas grave. Là, ce qui est quand même intéressant dans cette grosse vague, ce gros développement des blogs et sites un peu spécialisés geek et autres, c'est la diversité justement, d'avoir plusieurs avis, etc. Donc, allez lire, allez écouter les autres, restez avec nous évidemment, mais allez aussi découvrir, il y a plein de trucs super à découvrir sur internet. Donc faites-le, et il n'y a pas que des lolcats, n'est-ce pas, Irish? Et il n'y a pas... Et il n'y a pas que les documentaires sur la fistinière, voilà, il y a plein de trucs super. Mais tu dis qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça, quand tu regardais les... Enfin, je parle pas de sites, mais je parle de débrief de films, de trucs. Il n'y en a pas autant que ça. Hein. Des fous comme nous qui regardons je ne sais combien de séries et qui les débriefent chaque semaine, il n'y en a pas beaucoup, mais souvent, il y a d'excellents podcasts. Je ne citerai que Season 1, qui pour moi est la référence en matière de séries. Voilà, qui eux regardent souvent les premiers épisodes d'une série et en parlent, et après ne reviennent pas forcément dessus, ou alors lors d'émissions spéciales où ils font justement le point sur des séries dont ils avaient parlé, et voilà. Je connaissais pas. Excellent podcast. Season 1, c'est ça, podcast. J'aime beaucoup. Pour la petite info, si vous voulez encore un petit secret. Ah, l'anecdote. J'osais pas la révéler, celle-là. Season 1, j'ai participé à ce podcast il y a plusieurs années pour parler de The Walking Dead. Non! Oui. Pour dire tout le bien que je pensais du pilote. J'ai appris ça il y a très peu de temps. Ça, c'est du dossier, ça. Ah, c'est un gros dossier qui nous sort. C'est... Chapeau. Et c'était il y a quelques années, donc. C'est au moment où le pilote a été diffusé. Donc ça fait voilà, c'était un Arnaud sans trahir ton âge en pleine puberté. J'ai envie de dire, ouais. qui nous accueille. Je suis jeune, moi. Voilà. Moi, j'étais déjà majeur et vacciné depuis bien longtemps, mais. Je l'étais pas du tout. Mais voilà. Donc du coup, ouais, Season 1, voilà. Ça fait un petit plus, allez, un petit conseil et podcast en plus. Ouais. Pour ce challenge, ouais, c'était super agréable à faire. Et du coup, c'est vrai que c'était un bon moyen de faire une émission 200 finalement, de revenir un peu sur 200 émissions, des petites anecdotes, parler un peu de nous, nos passions, parce qu'on ne lit pas que des comics, on fait d'autres choses, on regarde plein de trucs. Pas que des trucs sains, pas que des trucs geeks, mais voilà. C'est marrant d'ailleurs que je sois arrivé en cours de route comme pour les podcasts, quoi. C'est ça. Donc je pense que cette émission vous permettra de comprendre un peu mieux certains sous-entendus qu'on peut faire des fois dans les émissions. Et encore, s'il y avait le temps. Évidemment, je ne peux pas conclure sans remercier cette bande de tarés maboules frappadins qui m'accompagnent chaque semaine depuis maintenant 2 ans et demi pour certains, bordel. Ça passe vite. Et j'espère encore pour 2 ans et demi et peut-être même plus. Le rendez-vous du dimanche est quand même sacré. J'avoue que c'est des bars le dimanche. Pour bien démarrer la semaine qui arrive, c'est parfait. C'est vrai que peut-être grâce à ça, on n'a pas ce petit coup de blues du dimanche soir. On se dit putain, demain on retourne bosser, on retourne à l'école ou en cours ou à la fac ou je sais pas où. T'as même pas le temps. Parce que là, tu vois l'heure et je me dis ah merde, j'ai pas fait le boulot. Maintenant, je vais bosser, je vais aller me coucher, voilà. C'est ça. Voilà. Donc évidemment ça, et puis évidemment vous remerciez vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux chaque semaine, chaque mois, enfin voilà. Ça paraît con de le dire, mais quand on découvre des chiffres qui ne cessent d'augmenter de mois en mois, enfin voilà, on peut être que fier déjà, parce que ça veut dire que ce qu'on fait vous plaît. C'est bien, donner une avis et tout. Alors que nous on fait juste ce qu'on fait juste que s'amuser et parler de ce qu'on aime, et au final on est écouté par de plus en plus de monde, et voilà, c'est assez touchant quand même. Ça veut dire que beaucoup de monde supporte nos conneries aussi. Peut-être même des qui aiment et qui en redemandent. C'est ça. Sociologiquement, il y a un sujet là. Et maintenant, voilà, n'hésitez pas aussi. Il y en a quelques-uns qui le font à leur manière en retweetant, etc. Voilà. Mais n'hésitez pas à nous laisser des commentaires à la fin des podcasts sur les articles, sur Twitter, sur Facebook, peu importe. Nous donner une petite note sur iTunes. Allez, on va passer en mode prostituée. des petites choses qui montrent que vous nous suivez, que vous aimez ou que vous n'aimez pas. D'ailleurs, il y a peut-être des choses que vous n'aimez pas. Et ça nous intéresse aussi de le savoir pour améliorer, corriger le tir sur certains trucs. Exactement. Que ce soit un scandale qu'Arnaud n'aime pas Gotham, par exemple. Par exemple, si vous trouvez qu'on ne parle pas assez de Fist, dites-le aussi. Voilà. Ou qu'on en parle trop, évidemment. Mais alors ça, je suis pas sûr qu'il y a des gens qui s'en plaignent. Peut-être plus de chichi, je sais pas. Proposer. Des retours. Là, on n'attend pas forcément ce que vous nous envoyez des fleurs. À la rigueur, c'est pas ça flatte, mais c'est pas forcément ce qui fait le plus avancer. Mais n'hésitez pas à commenter et à nous laisser, même à nous poser des questions. Si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde, allez-y. Après tout, l'émission, on l'a fait pour nous, mais on l'a fait pour vous aussi. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, d'accord. Quoi ? Non, j'ai entendu Léo chuchoter, donc du coup j'ai chuchoté aussi. Allez, on va conclure. Encore merci à vous de nous suivre. 200 émissions déjà. Rendez-vous pour la 200e dans quelques jours, qui ne portera pas le numéro 201, on vous le rappelle. Mais voilà. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous. Bonne série, bonne lecture, et évidemment, à bientôt. Salut, salut tous. Salut.